j'ai croisé que des mères salauds. Les toiles sur le maillot, ça fait plein de shit en maillot. Rapta, vers la véran, en but. La grosse pièce de marron, les condés que ils marronnent. Tout ça, juste la matonne, la suite au Sheraton. La suite est que tu verras, gros travers en Martin Aston. J'suis à l'envers, eh oh, jusqu'à Nanterre, eh oh. Ça part en vert, eh oh, au concessionnaire, eh oh. Des grammes en terre, eh oh, d'hélicoptère, eh oh. Devant la mer, eh oh, dans la mama corvée, eh oh. Comme un véran, turbo S pendant mes reins. Et nous zoom la caméra, jette la chenouf vers le virage. 150 dans Gomorra que je m'en fume. J'ai pas le moral, je viens d'ici, je fais pas le tour et je prends une lock. Je la surtour et je décolle. Comme un véran, turbo S pendant mes reins. Et nous zoom la caméra, jette la chenouf vers le virage. 150 dans Gomorra que je m'en fume. J'ai pas le moral, je viens d'ici, je fais pas le tour et je prends une lock. Je la surtour ici. Je me rappelle l'époque de Zeyo, de Pusca Pese Pequeño. Attends, j'finis mon pago, une piste comme l'iPhone de Payo. Elle écoute du nap sans maillot, j'ai croisé petit vers Salou. L'étoile sur le maillot, ça fume que du shit andalou. Tout ça dans ma compété, le shit est froid, j'me languis l'été. Vers Saint-Louis, on s'est fait péter, j't'ai dit, hey, genre, tu vas le répéter. Ça charbonne, gagoulé l'été, y'a des trous, faut les compléter. Faut faire des sous, des concerts complets, passer toute l'année en RP. Décolle Cap, Canaveral, Turbo S, Panamera. Et nous zoom la caméra, jette la chenouf vers le virage. Ça sent comme dans Gomorra que je m'en fume, j'ai pas le moral. Je viens d'ici, j'ai pas le tour et j'prends le lock, j'assure tout. Ça part en ville, y'a des folles, ça rentre tranquille et en tonne. Ça part en couille sous alcool, étiquette stone sur l'épaule. Ça part en ville, y'a des folles, ça rentre tranquille et en tonne. Ça part en